Conte de fées en français. La nouvelle année. C'était la veille du nouvel an et Maurice s'était endormi dans son lit. Soudain, quelqu'un toqua à sa fenêtre. Il grimaça. Hé, Maurice, sors avec moi. Allez, réveille-toi. Mais il ne fait même pas jour. Et il fait hyper froid dehors. Oh, c'est bientôt l'aube et on a encore plein de boulot à finir avant ça. Du boulot? Mais qui es-tu? Et quel genre de boulot tu veux me faire faire à une heure pareille? Je suis la nouvelle année et j'apporte des bonnes choses pour tout le monde. Mais je suis trop petit pour pousser ce chariot tout seul. Tu veux bien venir m'aider? Mais je suis si bien au chaud dans mon lit. Et j'ai sommeil en plus. Oh, on doit vraiment y aller maintenant. On ne peut pas plutôt attendre que le jour se lève. Je te promets que si tu viens avec moi maintenant, tu seras plus heureux que tu ne l'as jamais été avant. S'il te plaît, viens! D'accord. Maurice s'habilla rapidement et sortit de sa maison pour retrouver la nouvelle année qui l'attendait. Hé! Hey, joli chariot, c'est écrit « Amour et gentillesse ». Ça fait se sentir bien. Oh, viens avec moi et tu verras comme tu te sentiras encore mille fois mieux. Tu m'aides à tirer le chariot, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, la nouvelle année donna à Maurice une des cordes pour aider à tirer le chariot. Et ensemble, ils remontèrent la rue dans la neige jusqu'à la maison de Joe. C'est la maison de Joe? Il travaille dans notre jardin. Il n'a pas d'enfant. En fait, il n'a pas du tout de famille. Pourquoi on vient ici? C'est exactement pour ça qu'on vient ici. C'est la nouvelle année. Ne doit-on pas offrir à un homme le sentiment que quelqu'un pense à lui? Personne ne mérite de passer le nouvel an tout seul et avec un sentiment de solitude. C'est bien vrai. Alors, que veux-tu que je fasse? Il y a plein de neige autour de sa maison. On ne pourra pas traverser. Déneige un peu pour que je puisse décharger quelques-unes des bonnes choses que j'ai pour lui. Voyons voir. Peut-être un nouveau manteau et un cache-nez. Un dîner chaud du nouvel an et un bon petit déjeuner. Une nouvelle paire de chaussures. Ça devrait lui faire plaisir, non? Papa vient de lui donner son vieux manteau. D'accord, mais tout le monde aime bien avoir un nouveau manteau pendant la saison des fêtes, pas vrai? Oui. Je pense que les cadeaux que tu as prévus seront parfaits. Alors Maurice déblaya la neige devant la maison de Joe, tandis que la nouvelle année déchargeait ses cadeaux et les amenait à la maison de Joe. Et si on allait sonner à la porte? Oh, ben non! Pourquoi le déranger? On n'a qu'à laisser tous les cadeaux dans le salon. Alors la nouvelle année grimpa à la fenêtre et déposa les cadeaux sur la table de Joe. Quand Maurice le vit faire ça, il se sentit excité comme jamais. La simple pensée de savoir combien Joe serait heureux de recevoir tous ses cadeaux rendit Maurice fou de joie dans son cœur. C'était inexplicable, mais ce sentiment était si agréable. Ensuite, la nouvelle année prit la direction de la maison de Bessie. C'est la maison de Bessie? Elle fait de la couture pour maman. Que va-t-on lui donner? Eh bien, Bessie est malade depuis quelques jours. Un joli bouquet de fleurs et du chocolat pour le nouvel an devrait la rendre heureuse. Qu'en penses-tu? Oui, c'est une excellente idée. Alors, une fois de plus, la nouvelle année passa par la fenêtre et déposa près du lit de Bessie un bouquet des plus belles roses qui soient et un énorme chocolat. Maurice ressentit la même très belle joie qu'avant. Juste en pensant au bonheur qu'allait procurer à Bessie ses fleurs et ce chocolat. C'était comme si on offrait les fleurs et le chocolat à Maurice lui-même. La nouvelle année et Maurice parcoururent toute la ville pour déposer des cadeaux chez toutes sortes de gens. D'une façon ou d'une autre, la nouvelle année savait toujours exactement quoi donner à qui. Mais peu importe combien de cadeaux elle offrait, son chariot ne se vidait jamais. Comment est-ce possible que ton chariot soit toujours plein, quel que soit le nombre de cadeaux qu'on prenne dedans? Ah, l'amour et la gentillesse ne diminuent jamais, peu importe combien tu en prends. Plus tu donnes d'amour et de gentillesse, plus il y en a. et plus tu en ressentiras de joie. Maurice ? Maurice ! Réveille-toi ! Quoi ? C'est le matin du nouvel an, chérie. Réveille-toi, allez. Le matin du nouvel an. Ma petite nouvelle année. Le chariot de l'amour et de la gentillesse. Quoi ? Bonne année, maman. Plus on donne d'amour et de gentillesse, plus il y en a et plus on ressent de la joie. Merci de m'avoir réveillée, maman. Tu vois, je vais faire de cette nouvelle année la plus joyeuse qui soit. Maurice s'habilla, prit les quelques sous qu'il avait économisés dans sa tirelire, ainsi qu'un des chocolats que son oncle lui avait offert, et sortit de la maison en trombe. Il n'avait pas les moyens d'acheter un manteau, mais avec ses économies, il acheta des œufs et des pancakes à la boulangerie, courut chez Joe et frappa à la porte. Oh, bonjour Maurice. Qu'est-ce qui t'amène? Tu sais qu'aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Je sais, mais je t'ai apporté quelque chose. Un petit déjeuner de nouvel an pour toi. J'ai pensé que des œufs te feraient plaisir et tu m'as dit un jour que tu aimais les pancakes avec du miel et de la cannelle. Waouh! J'adore les pancakes au miel et à la cannelle. Merci. C'est tellement, tellement gentil de ta part. Cela fait des années que personne ne s'est demandé ce que j'aimais et me l'a offert, tu sais. Ça compte tellement pour moi. Merci. La nouvelle année avait raison. L'amour et la gentillesse sont vraiment les deux choses qui apportent le plus de bonheur dans le monde. Ensuite, Maurice alla chez Bessie avec les fleurs et le chocolat. Hey, Maurice! Salut, Bessie. Comment te sens-tu? Tu dois être triste d'être si malade le jour de la nouvelle année. Ah, ne m'en parle pas. Mais je me sens déjà mieux maintenant que j'ai un peu de visite, tu sais, Maurice. Je t'ai apporté ça. C'est si gentil de ta part, Maurice. Merci beaucoup, vraiment. Bonne et heureuse année, Bessie. Et peut-être que je pourrai repasser plus tard pour qu'on joue au Ludo ou à autre chose. Ah, ce serait super. C'est tellement fatigant de rester au lit sans rien faire toute la journée. Jouer à un jeu me ferait sûrement guérir plus vite. Bessie était si heureuse. Et à la voir heureuse comme ça, Maurice fut encore plus heureux. À partir de ce jour-là, Maurice décida de distribuer son amour et sa gentillesse à tous ses amis et même à des inconnus. Et alors, il devint le garçon le plus heureux de la ville.